trim que ça ne peut dire toi c'est seven rim. C'est ma vie, tout ce qui m'arrive, je ne l'ai pas choisi. Tiens, comme dis-je maintenant, qu'est-ce que j'aurais dit et que ni. Moi si j'aime qu'est-ce que t'aimes, happy fesh de ben goye. Moi c'est livré de grune, t'y coupe toye. J'do tac quand mes soeurs j'analyse oye. J'ai d'un ouk au film, bir, j'y tchouk soy loye. Ce qu'on mordait que tout dost pour me lout choke. Pour t'chka et pote et t'charoke. Ti je marionet kom t'sprekin për toke. Qo kryt het straight edhe fuckle. Partaj m'shtu që s'kem ko me hup kot. Anekdot, kemi plot. Donna shtin me kesh, donna qesin lot. Për çka me trejt për jetën që s'ka flef dost. Musu mu në mu bon qaj që s'jeti. Munët me pas flef, ma i thjeshti. Jipet respektin gjithë të suksesi. Fitoje me një stonde, jonë që vinë tjetri. Du 24 sur 24, sauve 4 mesure, encore 4 millions de texte. Moi je perdure, je te parle du vrai. La rue et tout ce qui s'ensuit sont sûrs et sont envers. Car frais et le contenu m'est soutenu par notre public. Dans nos démarches de Skopje à Pristina, nous on débat. C'est ma vie, tout ce qui m'arrive je ne l'ai pas choisi. Tiens comme des je m'étonne et d'eau j'aurais dit Egeni. Egeni, Egeni, Nex c'est ma vie, tout ce qui m'arrive je ne l'ai pas choisi. Tiens comme des je m'étonne et d'eau j'aurais dit Egeni. Egeni, Egeni. Mais que c'est ma vie, tout ce qui m'arrive, je ne l'ai pas choisi. Tiens comme des je m'étonne, qu'est-ce que j'aurais dit Egeni. Egeni, Egeni, mais que c'est ma vie, tout ce qui m'arrive, je ne l'ai pas choisi. Tiens comme des je m'étonne, qu'est-ce que j'aurais dit Egeni. Egeni, Egeni, jetën në kom muzike, muzikën e kom jetë. Kjo do t'mu kon arsyja pse unë jëm kriju në këtë planeti. Kom lexu kejt librarit, lere shtërën bibliotek. Kom gure pën kasete, haloj shkryj tekstet në fletë. Zdu mu bo komercial, se qashtu mu ka tek. Mu s'ki mujt me mblejas, kur se kom pas asintin ku letë. Du mu majt men, edhe masi që kom tek. E ju jetën e jetën, edhe qaqë sa ju ka met. Ma mirë re si shpirt, se sa mu kon material. Re i thjesht me kom për toke, kor moset se najrë. Nëse bosh muzikant, kim me pas ndikim t'madh. E ki për detyr mi qitë në rrug. E jo me quë në mal. Krejt për shkon mrapsht. Diçka do t'me ndru. Pse mjau s'pas tru. Tru t'ukon mjau pas ru. Nëse sëm ki një dej qitash. Qitash do është me mgu. Mosim sa fmit e mi. Qasi kishem su fmit e tu. Me kse ma fi, tu s'ki ma rif, që në le pa shuazi. Qa kum desh me thonë, këto shoher ti Egeni. Egeni, Egeni, dhe. Me kse ma fi, tu s'ki ma rif, që në le pa shuazi. Qa kum desh me thonë. Choisis.